mec, arrête le rap, là c'est les Scorsese. Ici personne nous pèse, tu pues la merde comme tes Cortez. Escorté par le pilon, j'suis foncé comme un escrobar. J'rêve de grosses barres, mais pas de la vie d'escrobar. Train de vite trop, j'défonce des portes pour niquer le score. J'suis en phase terminale, tous les matins je croise la mort. J'ai acquis un vice et les jaloux montent dans leur viseur. J'ai plus de batterie pour eux, faut que j'rectifie mes erreurs. Trop dérapage, comment tourner la page. L'argent sale me tend ses bras depuis son plus jeune âge. La poisse s'invite et les couilles du rat paraissent. La vie blesse, tout le monde en parle, mais pour agir y'a trop de paresse. Sens unique et peu de fric, voilà ce qui nous tire vers le bas. Chômage et mépris, voilà ce qui les pousse à péter. La poisse s'en mêle, en plus des histoires familiales. On traîne à pas toute la journée avec un air plutôt bestial. Dans la justice qui nous écarte. Chez moi l'avenir se voit dans les billets, pas dans les cartes. Mon humeur dépend de la thune. Je vois haut comme la lune. J'ai un toit pour l'état qui fuck mon cœur la cul. J'rappe au coach, j'dis au top, j'suis au pare-balles pour les cops. Ma musique se dissimule un peu comme la mafia corse. Mon blaze et qui est rookie, frappe à la Ali. Et qui est danger et qui est mieux pas au défi. J'allume la cible pour le somme, qu'assomme ta cervelle. J'éteins les spots pour rester discret quand j'suis à l'hôtel. Un 06 peut te faire chuter, les grands t'ont chuchoté. Bon, tu vas lutter, t'as pas écouté. Pour tout niquer, j'traîne pas pour niquer. Mon QG, c'est Rouen, hey. J'débarque avec la voix enrouée. En loin, j'remplace le car si j'ai un dame bandit, un dame you voir. J'fais mon genre, sans me salir les doigts. Don't tell me the end, squat, squat, fuck, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat